Chanson d'automne de Paul Verlaine, enregistrée pour LibriVox par Anne Cheng. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone, tout suffocant et blême. Quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens. Et je pleure, et je m'en vais au vent mauvais, qui m'emporte deçà, delà, pareil à la feuille morte. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.